Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 8. Cicatrice. Having work was a big thing. My father was always happy to have a job and start making money. Est-il arrivé qu'une grève soit victorieuse? J'adore ces arbres. Est-ce que des femmes disaient à leurs hommes d'arrêter la grève? Cette maison représente notre combat. Nous l'avons achetée avec rien. Il a fallu que je sorte 4 morts de la mine. Je pensais pourtant jamais à ça. J'ai très peur d'être endettée. Si j'ai une peur, c'est bien d'enrichir les riches en achetant à crédit. J'en ai porté un sur 10 km. Et puis il s'est levé, il a marché encore mieux que moi. Il était en état de choc. Mais il n'était pas blessé. 1969. Certaines époques laissent des blessures. J'en récolte les traces, les marques. Et parfois, lors de ces moments exceptionnels de rencontres arrachées au quotidien, les signes deviennent lisibles. Les traces sont intactes 40 ans plus tard quand ils répondent à mes questions. Je m'assois près d'eux dans leur salon ou sur une marche du perron avec mon magnétophone. Je ne suis qu'un étranger de passage qui prend beaucoup et donne peu. Il y a certes des dîners que j'offre, des verres, quelques déjeuners dans des restaurants chics ou des buvettes, mais ce ne sont que des paiements symboliques. Je suis le bénéficiaire de la générosité des autres. Mon magnétophone, aussi inséparable de ma personne que la boîte à outils du menuisier ou la serviette noire du docteur, emporte avec lui des richesses inestimables. Je vis dans la dépression depuis que je suis venu au monde, avec des mieux et des moins bien. 1931, 1932, c'est ce que j'ai connu de pire. J'ai dit à mon père que j'irai plus à l'école. Il a dit, t'as qu'à venir travailler avec moi. Je suis allé à la mine et j'y ai travaillé, de 31 à la fin 32. Et puis, la dépression est devenue si dure qu'on est devenu fermé. On élevait nos propres bêtes. Buddy Blankenship vit à Chicago. La maladie l'a contraint au chômage. Un gendre, un petit-fils et une épouse fatiguée vont et viennent dans l'appartement, essayant de rester au frais par cet après-midi d'été caniculaire. Des meubles d'occasion sont visibles dans toutes les pièces, les souvenirs remontent, présents et passés confondus. On vivait à 15 km de la mine, et on y allait à cheval. Je montais derrière mon père. Pas mal de fois, il fallait que je descende et que je martèle les pieds de mon père. Il gelait dans les étriers. Il faisait froid, vous savez. Quand on sortait de la mine, on avait les pieds en sueur et ils étaient même trempés si on avait été dans le fond de la mine. Alors quand on mettait les pieds dans ces étriers en métal, qu'il fallait faire 15 km, ils gelaient au point de ne pas pouvoir être retirés des étriers. Il fallait que je les martèle pour les sortir. Ses pieds étaient tout engourdis et mon père y sentait rien. Mais quand ses pieds se réchauffaient, ça lui faisait drôlement mal. On se levait à 5h du matin et on démarrait à 6. On finissait à 10h du soir. On travaillait 16-17 heures par jour. Le patron disait de nettoyer. Si on nettoyait pas, le lendemain, il y avait un autre gars dans la mine pour nettoyer. Le gars des wagons, il disait « Combien de wagons vous avez encore ? 5 ? Alors dépêche-toi, on veut sortir d'ici. » Mon père touchait 1,75 $ par jour. On faisait de 60 à 65 tonnes par jour. Et puis ils m'ont changé et m'ont fait passer à 1,50 $ par jour. Je faisais la trappe. La trappe ? La trappe était fermée pour que l'air circule dans la mine. Puis le véhicule arrivait et j'ouvrais la trappe. Je devais rester là jusqu'à ce que tout le monde parte. On devait ensuite marcher 3 km pour sortir. On marchait encore 1,5 km pour aller où il y avait nos chevaux. On montait sur les chevaux et on faisait 15 bornes avant d'arriver chez nous. Bon, en été, c'était pas si terrible. Mais en hiver, mon gars, c'était rude. La neige bloquait tout. Et la glace, c'était pire. Et dangereux. Bien sûr, il fallait aller au boulot, sinon on mangeait pas. Il y avait une hache et une scie et on coupait notre propre bois. On la portait, ligotée sur le dos. On allait sur la montagne avec notre scie, on coupait un buisson ou un truc de la taille qu'il fallait, puis on le ramenait sur le dos. Le dimanche, Je portais du bois sur le dos à 3 km de là pour l'avoir le lundi. La compagnie fournissait le bois, mais il fallait le couper. Se débrouiller, quoi. Il y a eu plusieurs accidents. Il a fallu que je sorte 4 morts de la mine. Je pensais pourtant jamais à ça. J'en ai porté un sur 10 km, et puis il s'est levé, il a marché encore mieux que moi. Il était en état de choc, mais il n'était pas blessé. Un rocher lui était tombé dessus, j'avais pris un pied de biche, je l'avais soulevé pour l'en sortir. Il n'y avait plus rien qui bougeait, que son souffle. J'adore ces arbres. Cette maison représente notre combat. Nous l'avons achetée avec rien. J'ai très peur d'être endettée. Si j'ai une peur, c'est bien d'enrichir les riches en achetant à crédit. Toutes ces choses où il y a des frais cachés. Comme avec cette maison qu'il a fallu acheter très vite. Grâce à un ami du père de mon mari, on n'a pas eu à payer la commission de l'agence. Une maison à Evanston. De l'herbe verte pousse tout autour. Nous faisons partie de la classe moyenne, ni plus haut, ni plus bas. Le mari de Jane Yoder occupe des fonctions de direction dans une grande entreprise. Ils ont deux fils. Le premier est lieutenant dans l'Air Force. Le second, diplômé de Notre-Dame, va bientôt se marier. Nous avons toujours payé nos factures au fur et à mesure. J'ai vraiment peur de me faire piéger par le superflu. La sécurité, pour moi, c'est pas ce qu'on a, mais ce dont on peut se passer. Il n'y a rien qui me fasse envie au point de ne pas pouvoir attendre. On s'est mariés en juillet 1940. Cette table de cocktail est un achat décidé à ce moment-là. Et cette rallonge aussi. Quand mes frères viennent, ils disent « C'est fou, vous avez encore ça ?» Et en plus, il y a des choses nouvelles. Mais comment vous avez fait ? Son père était forgeron dans une petite ville minière du centre de l'Illinois. Une famille de 7 enfants. Les mines ont fermé tôt, vers 1928 ou 30. Alors les hommes sont partis dans d'autres villes à la recherche d'un travail. Pendant la dépression, mon père a beaucoup souffert, psychologiquement parlant. C'était vraiment atroce. Son beau-frère était surveillant de la mine. Je regarde ces deux hommes. Je crois vraiment que mon père avait un esprit merveilleux. Je me demande bien ce qu'il aurait pu devenir avec le potentiel qu'il avait. Mon père était vraiment, vraiment terriblement intelligent. Il a appris à parler anglais et quelques autres langues, et il se faisait une fierté de ne pas être comme nos voisins. Il nous racontait toujours des trucs tirés du journal ou d'un roman, et il leur donnait une tournure théâtrale. Marre de ces gens qui ne veulent pas penser. Il était tellement fier de ses enfants. Mais il était schizophrène. Il pouvait tout à coup se regarder et se mettre à courir comme un malade. Parce que ce qu'il voyait le faisait souffrir. And the star was there. Yeah, they owned it all. But what he made, he had to go to the next evening and trade it out. If he didn't, they lay him off. Vers 1932, il ne voulait plus nous laisser travailler que deux jours par semaine. In other words, you couldn't save any money. No, he wouldn't let you draw no money at all. You'd have to trade it out in the store. For food or tobacco, whatever. Yeah. Buddy Blankenship. For something, or you'd have to trade it out in the store for something. You couldn't draw no money at all. They wouldn't let you draw no money. But what they didn't want to do, they didn't want to turn the money loose. Because they wasn't getting no price for the coal, I don't guess. And they wasn't getting enough money to stock the store back if they paid them off the money. On a eu 20 dollars du bureau. Ils nous ont laissé au chômage deux semaines jusqu'à ce qu'on ait dépensé les 20 dollars au magasin. Il fallait les dépenser dans ce magasin, sinon on n'avait plus de travail. C'était un magasin de la compagnie. C'est ce qu'on a fait. On y allait le lendemain et on a tout dépensé. Si on ne l'avait pas fait, ils nous auraient virés. Ils ne vous laissaient pas économiser de l'argent. Il y avait un gars en haut du terril qui comptait votre chargement, combien de tonnes vous chargiez, et c'était envoyé au bureau. Si vous faisiez 20 dollars en plus de vos dépenses, pour la maison, le loyer, l'électricité, enfin tout, ils vous mettaient au chômage jusqu'à ce que vous ayez dépensé les 20 dollars. Les survivants marchent toujours avec ce fantôme à leur côté. Le fantôme des jours où la vie est devenue si dure. Mais cette ville où vous avez vécu... C'était une grotte. Une grotte à charbon. 32 familles vivaient dans les grottes. Oh, c'était des chouettes bâtiments construits à l'intérieur du site. Mais ils étaient juste en bois brut. La compagnie était propriétaire. Elle possédait tout. Il y a encore des logements d'entreprise. J'ai travaillé environ 2 ans dans les mines. Puis on a fait la ferme, de 32 à 37. Il me semble qu'on vivait drôlement mieux de la ferme à l'époque. Le travail était dur, mais on n'avait pas à payer cher pour les trucs. On élevait nos bestiaux, on avait notre troupeau, et on avait notre viande, notre bacon, notre lard. On n'avait acheté que la farine. On faisait pousser nos patates. On n'avait jamais d'argent parce qu'on n'en gagnait pas. Les temps étaient durs, mais moi, je l'ai traversé comme dans un rêve, la dépression. J'étais jeune et je faisais pas attention. J'avais pas les vêtements qu'il fallait, ni les sous-vêtements et les trucs comme ça, mais pour manger, ça allait. Je préférais la ferme à tout ce que j'avais fait avant. Et puis, on est revenu dans les mines, en 37. Les mêmes mines. Roosevelt avait fait redémarrer les mines. Les choses bougeaient et l'argent circulait à nouveau. J'ai travaillé à la mine de 37 à 57. Là, c'était complètement différent. Il y avait un syndicat et on travaillait juste 7 heures et 15 minutes. On travaillait pas aussi dur que pendant la dépression. Et ils nous laissaient pas faire d'heures sup parce qu'ils voulaient pas les payer, je pense. On avait de l'argent, moi et mon père, tous les deux. Il a travaillé jusqu'en 41 et puis ils l'ont viré. L'âge. Il a jamais eu de retraite. Il n'avait pas travaillé assez longtemps dans le syndicat pour avoir une retraite. J'ai participé à 4 grèves. Une fois, ils nous ont mis une amende. Une grève sauvage, qu'ils appelaient ça. J'ai aidé à syndiquer 6 mines en tout. La compagnie, elle a pas trop apprécié. Alors elle nous a tous virés. Ils pouvaient faire n'importe quoi jusqu'à tuer et tout. À un endroit, en Virginie occidentale, des jaunes nous ont tiré dessus. Oui, ils avaient plein d'armes. Par contre, il y avait 300 gardes mobiles qui, eux, étaient du côté des ouvriers. Et ils ont saisi pas mal de grenades lacrymo dans les poches des briseurs de grève. Ils leur disaient, « Vous, les gars, que vous vouliez adhérer au syndicat ou pas, c'est votre affaire. Mais portez pas d'armes. Vous n'êtes pas payés pour porter des armes et les utiliser. Ça, c'est notre boulot. Si vous voulez adhérer, allez-y, il n'y a pas de problème. » Et finalement, les gars se sont inscrits. Ça a surpris tout le monde que ces 300 gardes mobiles soient là, de notre côté. Le capitaine a dit, s'ils ne veulent pas se syndiquer, arrêtez la production. Il est allé dans les douches, et mon gars, ils avaient des fusils accrochés partout, les jaunes. Voyez, la compagnie leur fournissait des armes. Ils avaient des mitraillettes et tout. Ils ont fait venir la police de l'État pour enlever les armes. Je connais le nom du gouverneur. Ah là, j'arrive pas à m'en rappeler. Il était du côté des ouvriers. C'était en 42. Tell me what will a coal miner do? Tell me what will a coal miner do? When he go down in the mine, joy loaders he will find. Tell me what will a coal miner do? On souffrait, on avait tout le temps froid. Pas de couverture, pas de manteau. À l'époque, j'étais en 7e. Cathy, ma grande sœur, est allée à Chicago et a acheté une couverture indienne. Je me souviens de l'histoire qu'il y a eu avec cette couverture. Parce que Cathy l'avait rangée dans son armoire à vêtements pendant un certain temps. Et j'avais pas de manteau. Je me souviens l'avoir essayé et j'ai pensé « Oh, ça c'est génial !» Dieu bénisse les enfants. J'ai attendu jusqu'au dimanche et je l'ai mise pour aller à l'église. Et tout le monde a ri. J'avais l'air affreux. J'étais une gamine aux cheveux noirs avec une tendance à l'obésité. Mon Dieu, quand j'y repense. Mais j'ai mis cette couverture en guise de manteau, rire ou pas. Et je me souviens d'avoir pensé qu'ils aillent au diable. Je me moque d'eux. Riez donc, ça vous passera. Moi, j'avais chaud. Avant ça, j'avais eu un manteau. Ça devait être un manteau très léger parce que je me souviens que j'avais froid, je grelottais. Et je rentrais à la maison et on ne pouvait rien faire d'autre que de se mettre au lit parce qu'une fois au lit, on mettait le manteau par-dessus et on avait chaud. J'ai connu de ces froids. J'avais jamais eu de bottes. Je crois que c'est quand je me suis mariée que j'ai eu ma première paire de bottes. Quand il pleuvait, il fallait qu'on court, on courait entre les gouttes. Avoir des bottes, c'était vraiment le grand luxe. Quand il pleuvait, on mettait juste nos vieilles chaussures. Les autres, il fallait les économiser. On n'oubliait jamais de les cirer. Quand les chaussures étaient trop usées, on les gardait pour les mettre à la maison. Et les talons hauts, on les coupait pour que ce soit plus confortable. Moi, je dis à mes fils, vous avez un pull noir, un pull blanc et un pull bleu. Vous ne pouvez pas porter 10 pulls en même temps. Vous ne pouvez en porter qu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais des gens qui ont 30 t-shirts. Mon Dieu. J'ose même pas imaginer où je pourrais les ranger. Pourquoi faire? Ça me dépasse, vraiment. Quand on avait un rhume ou qu'on vomissait, personne ne prenait notre température, on n'avait pas de thermomètre. Mais si on vomissait et qu'on avait de la fièvre, ma mère nous tâtait le front. Elle avait l'impression qu'en nous apportant des oranges et des bananes et des trucs qu'on n'avait jamais, il n'y aurait rien de grave. C'est toujours ce qu'elle disait en croate. Tout va bien se passer. Et puis, elle nous donnait plein de bonnes choses. On était presque impatients d'être malades. Je me souviens que je rêvais d'oranges et de bananes. J'en rêvais. Mon frère aîné voulait aller à l'école pour aider à payer les notes de l'épicier. Francky, le plus jeune, n'était pas au courant, lui. Ça me bouleverse des fois quand je pense à mes deux petits frères, qui voulaient aller chercher de quoi manger, qui voulaient qu'on aille faire des courses. Mais ils voyaient cette facture de 900 $ et ils pouvaient rien faire. On en rit tous aujourd'hui. Francky vit maintenant dans le Nouveau-Mexique et dirige deux mines. Et on se dit, tu te souviens, Francky, les tocostapuno de Franck, ça veut dire est-ce que ça a coûté cher? Chaque fois qu'on ramenait quelque chose à la maison, il disait « To costa puno ? Est-ce que ça coûte cher ?» Et pour n'importe quoi, du pain, des œufs, du sirop caro. Un régal, ce sirop caro. Je me souviens pas tellement être allée moi-même au magasin acheter à manger. Peut-être que j'étais trop fière et que je me disais que c'était pas pour moi. Très tôt, on a appris à ne plus s'approcher du magasin parce que mon père avait pas d'argent. Alors, on restait avec la faim. Les travailleurs soudain devenus oisifs s'en faisaient le reproche plutôt qu'à la société. Certes, il y a eu des manifestations de la faim devant les mairies et à Washington, mais la plupart des gens ressentaient intimement de la honte quand ils recevaient leurs lettres de licenciement. Même si d'autres connaissaient le même sort, une petite voix en eux murmurait « Je suis un raté ». Oui, c'est vrai, il y a eu de la solidarité entre les gens dépossédés, mais aussi de la frustration et de la violence, y compris de la violence contre soi-même. C'est ainsi que des fils et des pères ne se parlaient plus et que la mère qui cherchait du travail ne disait pas un mot. On sentait vaguement que des forces extérieures avaient une part de responsabilité. Mais sauf pour ceux qui avaient un vrai discours politique, on n'y croyait pas vraiment. La faute était personnelle. Moi, ça me paraît drôle, comme de l'humour noir, de penser qu'à moins de 200 km de Chicago, il y a 40 ans, les frères de ma mère, que je connais bien maintenant, ils étaient là avec des fusils, à essayer de chasser quelque chose pour manger. Et que s'ils trouvaient rien, ils se couchaient le ventre vide. Je veux dire, c'est quand même fou. Tom, le fils de Jane, est entré dans la pièce pendant notre conversation. Je pense pas que ma génération puisse vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire. Je me suis jamais couché avec la faim au ventre. Chaque fois que je me plains de la vie à la maison, ma mère dit toujours « J'espère que ce sera toujours aussi facile pour toi. » Mais moi, je suis du genre à répondre « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'espère bien que quand j'aurai 40 ans, je gagnerai 25 000 $. » Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Je lui suis reconnaissant pour ce que j'ai. Mais c'est dans la nature humaine de toujours chercher à trouver mieux. Avons-nous tiré les leçons qui s'imposent ? Notre pays, le plus riche au monde, est sans doute celui qui a le moins de mémoire. Ma grand-mère nous disait des trucs sur la dépression. Pour moi, c'était comme un conte de fées, une histoire qu'on raconte pour s'endormir. J'ai jamais vécu de dépression, alors ça m'inquiète pas vraiment. Vu ce qu'ils disent, on n'aimerait pas vivre en ce temps-là. Prochain épisode avec Lily, Roy et Bucky, des jeunes de la classe moyenne. Hard times. Histoire orale de la Grande Dépression de Todd Sterkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. Épisode 8, Cicatrice. I'm just like Job's turkey. I'm just like Job's turkey. I can't do nothing but barber. I'm so poor, baby. I have to lean up against a fence to gobble. Yeah, now, baby. Yeah, I believe I'll change town. I can't do nothing but gobble. I'm so poor, baby. And I'm down so low, baby. I have to lean against a fence to gobble. Yeah, now, baby. I believe I'll change town. Lord, I'm so low down, baby. I declare I'm looking up at down. The men in the mine, baby. The men in the mine, baby. They all looking down at me. Yeah, I'm down so low, baby. I'm low as I can be. Yeah, now, baby. Hard times. Yeah, avec Jackie Berroyer, Stan Sterkel, Jean-Pierre Becker, Buddy Blankenship, Fabienne Lucchetti, Jane Yoder, Valentin de Carbonnière, Tom Yoder. Et les voix de Mohamed Rouhabi, Déborah Maric, Igor Menjiski, Johan Lopez et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déréthé, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cateau. Yeah, I believe I'll change town. Yeah, pull me down so low, baby. Ooh, Lord, girl, big building looking up to down. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.